Audiomatique. Thank you. La transmission 1-8-8 d'Audiomatic s'amorçait avec le duo britannique Lamb, qui nous présentait la chanson Beeline, ici remixée par Andy Vogtle. Cette version se retrouve sur l'édition limitée de leur troisième album, What Sound, et également sur l'album Remixed. La version originale de la chanson Beeline, quant à elle, est parue sur le deuxième album de Lamb, intitulé Fear of Fours. Audiomatic ne sera jamais plus que la musique qui la compose et toute autre prétention ne devra jamais être considérée, peu importe ses fondements ou ses intentions. C'est dans cette optique que les électronistes vous offrent à entendre à l'instant le regretté Alain Bachung. Vous pouvez compter sur le cancer et sur le lion. Faites preuve de maturité à l'égard de l'affection. La Vierge pense d'eau, la Vierge pense d'eau. Sur un fond d'incertitude, alléchante perspective. C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope, dans l'horoscope, pas l'horoscope. La voyante presbyte me corrigera si je m'égare. J'essaie de maîtriser la friction, pourquoi viens-tu si tard? C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope. J'aime dans les airs doux, pleurer sur les amours bipos, mes enquêtes pratiques fichent tricot, l'extravagance de nos héros, et les passants hétéroclites se demandent instamment, c'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope. Ascendant recto, échafauder un programme strict, n'oubliez pas l'audace. La Vierge pense au taureau, la Vierge pense au taureau. Charmante énergie du modèle offert à nos manies. C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope, dans l'horoscope, pas l'horoscope. J'aime dans les cerceaux pleurer sur les amours. L'extravagance de nos héros et les passants hétéroclites se demandent instamment. C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope, dans l'horoscope, pas l'horoscope. Parlez-moi encore de votre enfance, de vos prochaines nouveautés voyantes. Mettez-moi vite dans la confidence, vous pouvez compter sur mon silence. C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope, dans l'horoscope, pas l'horoscope. There is still no such reality as something. Wake up, wake up, wake up. We'll be right back.

When you say you cannot say, does that mean that you trip over the word? That means that I gobbled it all up. Thank you.

Yeah. She's a young girl. à Audiomatic, la chanteuse canadienne Feist nous interprétait la vieille chanson traditionnelle When I Was a Young Girl, remixée par Vivi, qui est en fait le pseudonyme que se sont donné Renaud Létang et Jason Beck, qui lui est mieux connu en tant que Chili Gonzalez. Cette version, on la retrouve sur l'album Open Season, qui en fait regroupe des versions remixées de l'album de chansons tirées de l'album Let It Die de Feist. Tout juste avant Feist, le défunt groupe School of Seven Bells nous présentait Sempiternal Amaranth de leur premier album Alpinisms, sorti en 2008. Et pour débuter, il s'agissait de la chanteuse britannique aux origines sri-lankaises M.I.A. et la chanson M.I.A. qu'elle a co-composée avec l'ex-chanteuse du groupe Elastica. Cette pièce, est extraite de son premier album studio Arular. Nous terminerons cette transmission 1-8-8 d'Audiomatic avec le groupe canadien Doubting Thomas, qui a été fondé à la fin des années 80 par Kevin Key et Feu Dwayne Gottle de Skinny Poppy. Doubting Thomas n'a fait paraître qu'un seul album intitulé The Infidel en 1991 et par la suite un maxi-single pour la pièce Father Don't Cry. De ce maxi-single en question, nous entendrons la pièce Turn a New Leaf. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été attentifs aux propositions musicales qu'ils vous ont faites au cours de la dernière heure et qui vous invitent à visiter les plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous désirez écouter toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et soyez assurés que nous serons de retour mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 189 d'Audiomatic. D'ici là, voici Doubting Thomas et leur composition Turn a New Leaf. C'était Audiomatic avec les électronistes.